Chapitre 12e, les Lookalofts et les Green Acres. En somme, la peine que se donna Miss Thorn pour amuser et nourrir les invités de la seconde catégorie dans le parc ne fut point perdue. Deux choses gâtèrent un peu le bonheur général. D'abord la chute du jeune Harry Greenacre, puis le lever de ce nouvel astre, Mrs. Lookaloft. Naturellement, le bruit se répandit dans la foule que Harry était mort, et il y eut une scène pathétique entre lui et sa mère quand on constata qu'il était sorti sans blessure de sa chute. On ne saurait évaluer ce qui fut bu de bière à cette occasion, et la quintaine fut frappée d'anathème par toutes les mères dont les fils étaient en âge de se livrer à ce périlleux exercice. Mais l'affaire de Mrs. Lookaloft était plus sérieuse. « Je vous le dis carrément, elle est là-bas, dans le salon de madame, elle avec Gussie et ses grandes perches de fille, attifées jusqu'aux yeux. » Ainsi parlait avec indignation une grosse fermière, assise au bout d'un banc, s'appuyant sur le manche d'une grosse ombrelle de coton. « Mais vous ne l'avez pas vue, Dame Gufferne ?» dit Mrs. Greenacre, que cette nouvelle, jointe à l'émotion récente de la chute de son fils, avait accablée. M. Greenacre louait autant de terre que M. Lookaloft, payait son fermage aussi exactement et jouissait dans la sacristie d'une autorité égale à la sienne. L'élévation dans le monde de Mrs. Lookaloft était un verre rongeur pour Mrs. Greenacre. Elle n'avait rien de cette vanité qui avait poussé sa rivale à convertir le nom de sa ferme, Bartless Tub, en celui plus poétique de Rosebank, et à désirer que son mari joignît à son nom le titre d'esquire. Mais elle était mortellement blessée de voir Mrs. Lookaloft réussir dans sa chasse aux honneurs. Elle l'avait critiquée et ridiculisée dans la mesure de ses moyens. Elle l'avait heurtée en sortant de l'église et s'était excusée avec le sans-façon de l'égalité. « Ah, madame, je vous demande pardon, vous devenez si grosse depuis quelque temps ?» Enfin, elle avait, jusque-là, su se poser et demeurer sur le même pied que son ambitieuse voisine. Et maintenant elle se voyait séparée d'elle et rejetée dans une catégorie inférieure. Malgré tout son respect pour Miss Thorn et son frère, elle ne pouvait s'empêcher de voir là une injustice commise à son égard. Jusqu'alors, les Lookaloft n'avaient pas été considérés comme étant d'une classe différente. Leurs prétentions étaient toutes personnelles et dérivaient de leur vanité propre. Personne parmi les grands du pays ne les favorisait et ne les acceptait comme fondés. Jusque-là, leur falbala, leurs soirées prolongées, leurs minauderies avaient été un sujet de raillerie pour Mrs. Greenacre, et ces railleries avaient été comme la soupape de sûreté de sa jalousie. Mais désormais, la situation allait être tout autre. Les Lookaloft se vanteraient d'avoir vu leurs prétentions sanctionnées par l'aristocratie du pays. Ils diraient, avec une apparence de vérité, que leur titre à une considération particulière avait été reconnu. Ils avaient pris place au salon avec un évêque et des baronnets. Ils avaient reçu la révérence de Miss Thorn et allaient s'asseoir à la même table qu'une comtesse en chair et en os. Bob Lookaloft, ainsi que l'avaient toujours appelé les jeunes Greenacre au jour où l'enfance les rendait tous égaux, s'assierait peut-être à côté de l'honorable George, et ce sot de Gussie aurait peut-être l'occasion de présenter un plat à Lady Margaretha de Courcy. Pourtant, la jouissance des honneurs que les jaloux croyaient être le lot de cette famille si enviée n'était pas telle qu'elle dût appeler sur eux cette envie. Les égards témoignés au Lookaloft par les deux Courcy furent des plus restreints, et le contentement qu'ils éprouvèrent de la société de l'évêque ne fut qu'une maigre récompense du long ennui de cette journée. Mais Mrs. Lookaloft ne tenait aucun compte de ce qu'elle avait à souffrir. Elle ne considérait que ce dont elle pouvait tirer vanité et l'exaltation de sa famille comme conséquence de la distinction dont elle jouissait en ce moment. « Mais les avez-vous vus, madame? Les avez-vous vus là-bas de vos yeux ?» demanda la pauvre Mrs. Greenacre, espérant encore qu'il pourrait y avoir eu erreur. « Comment aurais-je pu les voir, n'y étant pas allé moi-même? Non, je n'ai vu aucun d'eux aujourd'hui, mais c'est comme si je les avais vus. Vous connaissez notre John. Eh bien, il doit tenir compagnie à Betsy Rusk, la femme de chambre de madame, vous savez. Et Betsy n'est pas une femme de chambre à la douzaine. Donc, Betsy, elle vient au devant de notre John. Vous savez, elle est toujours très polie avec moi, Betsy Rusk. Ainsi donc, avant de se mettre à se promener avec John, elle me dit tous ceux qui étaient montés dans la maison. Et elle vous a dit que ces gens-là étaient dans le salon? Elle m'a dit qu'elle les avait vus entrer, qu'ils étaient la moitié mieux habillés que tous les autres, avec leurs cous et leurs gorges nues comme ceux d'un enfant qui vient de naître. Les péronnelles! S'écria Mrs. Greenacre. que cette façon de poser pour la distinction aristocratique confondit et exaspéra plus que tout le reste. « Oui, en vérité, » continua Mrs. Gofern, « aussi nu que possible, tandis que les personnes de qualité étaient habillées comme vous et moi, Mrs. Greenacre. »« Quelle impudeur !» dit Mrs. Greenacre, dont le sein bien couvert ne contenait plus, par rapport du moins à la famille Lookaloft, une goutte du lait de l'humaine tendresse. « C'est ce que je me dis, c'est ce que dit mon homme, Thomas Gofern, quand il apprit cela. « Molly, qu'il me dit, si jamais vous vous avisiez d'aller toute nue comme elle, vous ne remettrez pas les pieds dans la vieille maison. « Thomas, que je dis, je ne le veux pas non plus. « Mais, qu'il me dit, comment s'arrange-t-elle avec ses rhumatismes, qu'elle n'a pas un morceau de linge sur elle ?» Et Mrs. Gofern eut un gros rire à la pensée du rhumatisme probable qu'allait avoir Mrs. Lookaloft. « Mais, continua Mrs. Gofern, ce n'est pas encore tout ce que Betsy m'a dit. Ils sont tous entrés dans le salon de madame en se rengorgeant comme des dindons. Et Grégory avait l'idée de leur dire de descendre ici. Seulement, il n'a pas osé, à cause de leur grande toilette. Ainsi donc, ils entrèrent. Mais madame les reçut avec une figure qui n'avait rien d'aimable. « Alors, dit Mrs. Gofern, soulagée d'un grand poids, ils n'avaient pas une invitation différente des nôtres. Betsy dit que Grégory lui a dit que madame n'était pas trop contente de les voir au salon et que, selon lui, on s'attendait qu'ils viendraient ici avec nous autres. » C'était là une grande consolation. Non pourtant que Mrs. Greenacre fût absolument satisfaite. Selon elle, la justice exigeait que Mrs. Lookaloft, non seulement, ne fût pas encouragée, mais même fût punie de son impudence. Pourquoi Miss Thorne, comme dans le banquet de l'écriture, n'était-elle pas allée droit à l'intruse en lui disant « Ami, tu t'es assise au haut de la table, à une place qui n'était pas pour toi. Va plus bas, tu y trouveras tes égaux. » L'as-tu déjà appris, mon homme ? Dit Mrs. Greenacre à son mari qui arrivait alors. Il y a la dame Lookaloft et Bob et Gussie et toutes leurs séquelles qui trônent comme de grands seigneurs dans le salon de madame. Et ils n'y ont pas été plus invités que vous et moi. Avez-vous vu jamais pareille audace ? Eh bien, pourquoi n'y serait-il pas ? Demanda le fermier Greenacre. Et quoi ? Aller se mettre avec des gens de qualité, avec des propriétaires ? Dit Mrs. Gofern. Eh bien, si cela leur fait plaisir, et si cela plaît à madame, cela m'est bien égal à moi, dit le fermier. Pour moi, j'aime mieux être ici, j'y suis plus à mon aise, et je n'ai pas à payer de beaux atours à ma femme. Chacun son goût, Mrs. Gofern, et si le voisin Lookaloft est plus content ainsi, tant mieux pour lui. Voulez-vous que je vous dise ? Si nous ne devons pas avoir du plaisir au dîner que nous donne madame, parce que la mère Lookaloft est assise là-bas sur un grand sofa, autant vaut nous en aller chez nous. Si une chose comme celle-là nous attriste, que sera-ce quand nous aurons une grande peine ? Dans quel état seriez-vous donc, femme, si notre garçon s'était cassé le cou tout à l'heure en tombant ? Mrs. Greenacre, un peu confuse, ne dit plus rien. Les hommes sages, comme le fermier Greenacre, ont beau prêcher le calme et la patience, il ne manquera jamais dans le monde de Lookaloft pour exciter l'animosité et la jalousie par l'outrecuidance de leurs prétentions. C'était un spectacle plaisant de voir M. Plomacy, appuyé sur une forte canne, circuler parmi les invités campagnards comme une sorte de surveillant en chef et en même temps de directeur de la fête. « Holà, jeunes gens, si vous ne pouvez pas vous dispenser de crier ainsi, prenez votre dîner et allez plus loin. Allons, fillettes, que faites-vous là? Tournez vos pouces. Avancez un peu, que les garçons voient vos figures. Vous n'aimez pas être honteuse de vos minois. Halte-là, qui êtes-vous? Comment êtes-vous entrée ici ?» Cette question désagréable était faite à un jeune homme d'environ 24 ans qui n'offrait pas à l'œil clairvoyant de M. Plomacy les marques assez évidentes d'une condition rustique. « S'il vous plaît, votre honneur, maître Barrel, le cocher, m'a laissé entrer à la petite porte de l'église parce que je travaille presque toujours pour la famille. « Alors, maître Barrel, le cocher, peut vous laisser sortir ?» dit M. Plomacy, sans se laisser fléchir par l'appellation respectueuse qu'avait employée le jeune homme. « Quel est votre métier et pour qui travaillez-vous ? » « Je suis Stubbs, votre honneur. Bob Stubbs et quel est votre métier, Stubbs ?»« Maçon, s'il plaît à votre honneur. »« Je vous donnerai du maçon à vous et au cocher Barrel. Vous allez sortir d'ici aussi vite que vous y êtes entré. Nous n'avons pas besoin de plâtrier. Quand il nous en faudra, nous en enverrons chercher. Allons, des talons, mon gars. » Stubbs, le plâtrier, entendit, la tête basse, le terrible arrêt. C'était un gai compagnon qui, depuis son entrée dans l'Élysée de Yulothorne, s'efforçait de plaire à une nymphe du village, à qui il débitait les propos les plus galants, quand il fut rencontré par le grand monsieur Plomacy. Il lui était douloureux d'être ainsi séparé de sa dryade, juste au moment où le nectar et l'ambroisie allaient descendre sur les champs d'Asphodèle. Il essaya d'abord les prières, mais les prières ne purent rien sur l'inflexible potentat. Non seulement M. Plomacy ordonna sa sortie, mais levant sa canne dans la direction qu'il devait suivre, celle de la porte que gardait le traître Barrel, il se mit en marche pour assister lui-même à l'exécution de son ordre. Cependant, la déesse Clémence, la plus charmante qui soit jamais descendue sur un nuage, la plus chère à la pauvre humanité, apparut sous les traits de M. Greenacre. « Allons, l'ami, dit-il, ne soyez pas si sévère, un jour comme celui-ci, je connais ce garçon. Accordez-lui l'entrée, à ma demande. Ce qu'il mangera et boira ne fera pas grand tort à madame. » M. Plomacy et M. Greenacre étaient une paire d'amis. M. Plomacy avait une des chambres les plus confortables à Yulathorne, mais, étant célibataire, il y vivait seul et n'avait pas même lui, M. Plomacy, l'autorisation de fumer dans le château. Ses heures heureuses, il les passait dans un grand fauteuil, dans le coin le plus chaud de la vaste et belle cuisine de Mrs. Greenacre. C'était là que son esprit se détendait et se laissait aller à d'agréables causeries. Là, il se mettait à son aise, sans cesser d'être respecté. Là seulement, peut-être, il pouvait déposer son air officiel, sans risquer de déplaire à ses supérieurs ou de se compromettre avec ses inférieurs. C'était là, enfin, qu'il trouvait toujours sa longue pipe sur la tablette accoutumée et qu'il était non seulement autorisé, mais encouragé à fumer. Étant donné ses relations, il n'était pas à supposer que M. Plomacy refusât à M. Greenacre la faveur que celui-ci demandait. Il ne le fit pas, pourtant, sans un nouveau déploiement d'autorité. « Mangez et boire, M. Greenacre. Non, il ne s'agit pas de ce qu'il peut boire et manger. C'est l'effronterie de ce gaillard, d'un gaillard de son âge, qui vient là où il n'est pas invité. Jamais il n'a fait une journée de travail à Yulathorne depuis qu'il est né. Je lui en donnerai du maçon. » Il a travaillé longtemps pour moi, M. Plomacy. C'est un bon ouvrier. Il n'a pas son pareil dans Barchester pour poser les tuiles, dit M. Greenacre, s'écartant un peu de la vérité. Allons, laissez-le aujourd'hui, vous le querellerez demain. Vous ne voudriez pas lui faire un affront devant sa belle. Ce n'est pas de bon cœur, dit M. Plomacy. Et prenez garde, Stubbs, de vous bien conduire. Si j'entends du désordre, je saurai d'où il vient. Je vous connais bien, vous autres, ouvriers de Barchester. » Stubbs partit heureux, se touchant les cheveux en l'honneur de la clémence du maître d'hôtel et de l'obligeance du fermier. En s'en allant, il jura, dans l'élan de sa reconnaissance, que si jamais le fermier Greenacre avait besoin d'une journée de travail, il la lui donnerait pour rien. M. Plomacy, tout en se reprochant de n'avoir pas rempli son devoir pour complaire à un ami, fit bonne figure quand il se leva au bout de la longue table du parc pour dire les grâces et prier Dieu d'inspirer à tous les assistants de la reconnaissance pour la bonne nourriture dont Miss Thorne, dans sa grande libéralité, les avait si abondamment pourvus. Cependant, sous la tente de la pelouse, les choses allaient pour le mieux. Sir Hawkaway Gorse proposa la santé de Miss Thorne, la comparant à un cheval de race, toujours prêt à l'action et qu'aucune fatigue ne peut abattre. M. Thorne remercia. Il espérait, disait-il, que sa sœur serait toujours en état de fournir une course quand elle serait appelée à la faire. Puis il souhaita santé et prospérité à la famille de Courcy. Sa sœur était honorée de voir à sa table tant de membres de cette famille. Ils savaient tous que l'absence du comte avait été nécessitée par d'importantes occupations. Ses devoirs envers le prince l'ayant enlevé à son propre foyer, lui, M. Thorne, n'avait pas le droit d'exprimer le regret de ne point le voir à Yulathorne. Néanmoins, il oserait dire, exprimer un souhait, voulait-il dire, ou plutôt une opinion. Et M. Thorne s'embourba quelque peu, comme il arrive souvent aux gentilshommes campagnards en pareille circonstance. Enfin, il s'assit en déclarant qu'il éprouvait une vive satisfaction à boire à la santé du noble comte, à celle de la comtesse et de toute la famille de Courcy. L'honorable George lui répondit : Nous ne le suivrons pas dans le cours quelque peu tortueux de son éloquence. Ses proches voisins eurent quelque peine à le mettre sur ses jambes, bien plus de peine encore à le faire se rasseoir. Il ne donna pas un brillant spécimen de l'éducation anglaise. Dans la salle à manger, l'évêque se conduisit avec une correction et une dignité parfaites. Il porta lui aussi la santé de Miss Thorne et il le fit dans le langage qui convenait à sa haute situation. Il y eut peut-être à cette table moins d'animation que sous la tente, mais ce que le repas y perdit en gaieté, il le gagna en décorum. C'est ainsi qu'aux trois tables les banquets se firent avec beaucoup d'éclat et au milieu de la satisfaction générale.